Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. L'annonce a été fracassante. Nous voici devant la découverte du 21e siècle. La tombe de Toutankhamon, décédée en 1324 avant notre ère, pourrait contenir celle de la reine Néfertiti. Voici peu, le Caire, ni d'égyptologue, annonçait être à 90% certain de la présence d'une chambre secrète. Cette hypothèse, lancée par l'archéologue britannique Nicholas Reeves, s'est rapidement transformée en théorie. Le résultat, un très beau succès médiatique, mais revenons à la réalité et attendons calmement la trouvaille, quelle qu'elle soit. Non loin de là, mais dans le grand silence du désert oriental, de jeunes archéologues travaillent sur le passé à leur avenir. Leur thème de recherche, leur lore du désert oriental, qui alimenta probablement les trésors de nos musées. Pour en parler, Bérangère Redon, Thomas Fauché, bonjour. Bonjour. Chargé de recherche au CNRS, à la Maison de l'Orient à Lyon, Bérangère Redon, vous êtes archéologue spécialiste de cette antiquité tardive d'Égypte, les Ptolémées. Archéologue chargé de recherche, spécialiste des métaux, Thomas Fauché, vous travaillez notamment sur les monnaies d'Égypte. Vous vous êtes associé pour conduire la mission du désert oriental de l'Institut français d'archéologie orientale et du ministère des Affaires étrangères autour des mines d'or ptolémaïques. Bérangère Redon, peut-on penser que le masque mortuaire de Toutankhamon ait été produit à partir de l'or de ce désert oriental? Oui, c'est tout à fait probable. En tout cas, des mines d'or, l'or était exploité à cette époque dans le désert oriental. Thomas Fauché, bien d'autres objets auraient la même origine? Vraisemblablement, on a beaucoup d'objets qui proviennent d'Égypte. On sait que l'Égypte a produit plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tonnes d'or durant l'Antiquité, donc c'est tout à fait probable. On a déjà fait des analyses sur ce genre d'or assez ancien? Alors, on a fait des analyses depuis assez longtemps par différentes techniques qui nous montrent principalement ce qu'on appelle les éléments majeurs, c'est-à-dire combien d'or ou d'argent contient les objets. On travaille actuellement sur les éléments traces pour vraiment être capable de tracer la provenance de cet or égyptien. Bérangère Redon, où se trouve ce désert? Car de l'Égypte, nous connaissons que le Nil et son delta. La région que l'on fouille, qui s'appelle le district de Bir Samut, est située à mi-chemin entre la mer Rouge et la vallée du Nil, à la latitude d'Edfou, et le long d'une voie qui reliait dans l'Antiquité Edfou, la ville d'Edfou, au port de Bérénice, situé sur la mer Rouge. Et c'est un désert absolument totalement aride, purement minéral? Presque purement minéral, il y a très peu de végétation. En revanche, on commence à comprendre que c'était moins le cas dans l'Antiquité. On a des traces, à la fois archéologiques et dans les textes qu'on met au jour sur le site. On a l'impression que la végétation était plus abondante et qu'on a pu l'exploiter en particulier pour faire du charbon de bois, notamment. Ce que je sais du désert oriental égyptien, c'est qu'il est parsemé de petits fortins, sortes de forteresses du désert des Tartares, et dans l'attente d'un ennemi qui ne viendra jamais. Les textes que l'on a pu découvrir ci et là dans les fortins, sur des tessons de poterie qu'on appelle des ostracas, montrent que les fortins ont pu être de temps en temps assiégés, et en particulier par des populations nomades à l'époque romaine que l'on nomme les blémies. Et à l'époque ptolémaïque également, ces populations apparaissent dans les ostracas qui viennent attaquer, souvent pour voler de la nourriture, mais pas seulement, donc les fortins. Ces fortins ont été déjà étudiés par une mission française. J'ai souvenir d'avoir au moins fait deux émissions sur le sujet. Qu'est-ce que l'on pourrait en dire? La mission du désert oriental a une longue histoire. Elle a été fondée en 1994 par Hélène Cuvigny, directrice de recherche au CNRS, qui s'est concentrée sur l'époque romaine et sur les fortins, donc qui parsèment la région à l'époque romaine. Elle nous a proposé de reprendre sa succession pour nous lancer cette fois-ci dans l'exploration de la région à l'époque ptolémaïque, l'époque qui donc précède l'époque romaine. Cette époque, donc entre les années 330 et 30 avant Jésus-Christ, en gros, pendant laquelle des Gréco-Macédoniens sont sur le trône d'Égypte, les Lagides. Ces fortins, c'est une sorte de limesse, une sorte de frontière, de ligne Maginot ptolémaïque. Alors oui, effectivement, c'est en tout cas les confins des possessions lagides vers le sud et vers la mer Rouge et plus loin vers l'océan Indien. En 2013, vous lancez un nouveau programme, travailler sur ces mines, notamment celle de Bir Samut. Pour expliquer la configuration, le district comporte deux sites principaux. Bir Samut, qui est un fortin classique, qui gardait la route qui reliait Edfou à la mer Rouge, et un fort qui lui est situé près d'une mine d'or et qu'on a appelé Samut Nord, et qui, elle, est liée à ses installations techniques d'extraction de l'or. Qu'est-ce qui a été fouillé? Tous les bâtiments ont été fouillés? En tout cas, à Samut Nord, l'ensemble des bâtiments ont été fouillés, puisque c'est ce qui risquait de disparaître le plus rapidement suite aux différentes attaques à la fois de la compagnie minière et des Dahaba, ces chercheurs d'or dans le désert. Et puis, on a l'an dernier attaqué la fouille de l'intérieur du fort de Bir Samut. Et là, les opérations sont en cours et vont continuer pour les prochaines missions. Est-ce que vous avez ces fameux ostracas, ces textes si importants, des sortes de textes écrits sur des tessons de poterie et qui racontent la vie quotidienne de tous les jours de ces gens qui sont dans le désert? Oui, on a cette chance, effectivement. Les dépotoirs se sont avérés très riches, puisqu'on les trouve essentiellement dans les dépotoirs. Et rien qu'à Bir Samut, on a un peu plus de 800 tessons de poterie inscrits, à la fois en grec et en démotique, l'écriture égyptienne tardive. Tandis qu'à Samut Nord, on en a trouvé assez peu, finalement, une quinzaine, une vingtaine, liées à la mine d'or. Donc on manque un peu de sources écrites sur ce site. À Bir Samut, en revanche, là, on en a énormément, qui nous racontent des choses assez intéressantes. Quoi, par exemple? Eh bien, ces attaques de Blémy qui sont arrivées un soir et ont attaqué un certain Panas pour lui voler du pain. Ou encore une lettre qui demande à une personne de prendre soin d'un singe qui probablement est importé d'Éthiopie et à destination d'Alexandrie, de la cour d'Alexandrie, un singe assez joli, coloré, qui devait être exporté pour agrémenter la cour d'Alexandrie. C'est-à-dire que des caravanes, pourrait-on dire, passent vers de l'océan Indien jusqu'à Alexandrie, par ce fort-là? Oui, tout le commerce de la mer Rouge devait passer à Bir Samut. Cela dit, à part cet ostracone qui parle de ces singes, c'est assez fugace. Pour le moment, on a assez peu de données sur ces caravanes, mais certainement qu'elles y passaient. En tout cas, on voit des chameaux, énormément de mentions de chameaux, qui devaient constituer ces caravanes. Vous avez trouvé des amphores, de l'encens? Oui. Alors, des amphores, ça en quantité. De l'encens, venu du pays de Punt? Non, pour le moment, on n'en a pas identifié. Thomas Fauché, comment se présentent les filons d'or à la surface du sol? Alors, on les voit d'abord à la surface du sol, et c'est certainement ce qui a marqué les anciens mineurs, c'est-à-dire que c'est des veines de quartz, on appelle du quartz aurifère, qui est une pierre extrêmement blanche et qui détonne au milieu d'un paysage qui est un paysage volcanique de collines. D'ailleurs, dans les textes anciens, on parle plutôt de marbre plutôt que de quartz, puisque la connaissance géologique n'était pas parfaite à cette époque-là. Donc on a à la fois ces filons qui sont en surface, et évidemment, les anciens ont très vite compris que les filons continuaient sous terre. Et puis, il y a un autre or qui est là, moins visible, qui se situe au fond des wadis, ce qu'on appelle de l'or alluvionnaire, et qui est récupéré à la battée, comme ce qu'on pouvait faire, par exemple, en Californie au début du XXe siècle. À quelle époque ces gisements ont été découverts? Alors, on sait que dès l'époque pré-dynastique, donc c'est-à-dire au 4e millénaire avant Jésus-Christ, on a déjà des personnes qui viennent récolter ces paillettes dans les wadis, donc dans ces rivières asséchées. Et puis, il y a par la suite une série de campagnes qui viennent exploiter l'or du désert oriental, à la fois au Nouvel Empire et puis aux périodes plus anciennes. Le pouvoir pharaonique ptolémaïque, bien sûr, a-t-il lancé des recherches, des prospections en vue de leur découverte? Oui, ça a l'air. C'est un véritable programme? Alors, c'est assez difficile de le prouver pour le moment. En tout cas, ce dont on s'aperçoit après la fouille de Samut Nord, c'est que c'était un vrai programme à Samut Nord. Un programme d'envergure, des constructions massives, où on a à la fois construit les bâtiments pour accueillir la main-d'œuvre, les soldats qui gardaient la main-d'œuvre, mais aussi toutes les zones de préparation du minerai. Et cela en une seule et même opération, pour un temps assez court visiblement. Donc un investissement massif pour investir ce filon de Samut Nord. Thomas Fauché, les gisements d'or ont été depuis longtemps abandonnés? Alors, ils ont été abandonnés à différentes périodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il y avait des campagnes qui pourraient durer quelques mois, voire quelques années. C'est le cas au début de l'époque ptolémaïque. On a ensuite des campagnes beaucoup plus récentes à l'époque arabe au 9-10e siècle. Et puis, il faut attendre certainement le début du 20e siècle pour voir des compagnies minières, notamment anglaises, réinvestir le désert. Et puis, depuis quelques années, une occupation anarchique du désert oriental par des chercheurs d'or. C'est-à-dire que l'or n'était plus rentable. Aujourd'hui, avec la montée du cours de l'or, tout change. Et vous voici dans l'urgence de sauvetage pour sauver les vestiges archéologiques contre des chercheurs d'or. Alors, c'est le cas, effectivement, il y a eu des destructions extrêmement importantes. Ce n'est pas un phénomène typiquement égyptien. Il y a ces chercheurs d'or, en gros, travaillent dans toute l'Afrique, et notamment au Soudan. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dans des camps pour trouver cet or. Et c'est effectivement lié à deux choses, à la fois à la montée du prix de l'or, qui stagne ou plutôt descend à l'heure actuelle, mais aussi, malheureusement, à ces détecteurs de métaux qui sont devenus abordables et que n'importe qui peut s'acheter pour quelques centaines d'euros. On a une idée de la production de l'or sous les Ptolémées? Alors, sous les Ptolémées, c'est extrêmement difficile de donner des quantités. On a, grâce au travail de nos collègues archéologues miniers qui sont venus travailler avec nous, une estimation pour le filon de Samout Nord. Et on pense qu'une petite centaine de kilos d'or aurait pu sortir de ces mines. C'est beaucoup? C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. 100 kilos, il faut comprendre que on a, dans une tonne de quartz, on a 20 grammes d'or. Donc, il faut extraire des quantités extrêmement importantes. On l'estime à 2000 tonnes de quartz pour Samout Nord pour extraire ces 100 kilos. Avec 100 kilos, on fait énormément de choses, sachant que la plupart des objets ne sont pas des objets en or brut, mais des objets avec de la feuille d'or ou recouverts d'or. Donc ça permet de faire quand même une quantité importante d'or. En tout cas, on assiste, semble-t-il, à une véritable relance de la production d'or sous le règne de la dynastie des Ptolémées, donc entre la fin du 4e et Cléopâtre 7. Alors, il y a visiblement, à la fin du 4e siècle, en tout cas, des campagnes qui sont menées. On sait aussi que les Ptolémées ont récupéré énormément d'or, et c'est le cas de tout le monde grec, suite à la prise par Alexandre le Grand des trésors babyloniens. Et donc, il y a cet afflux d'or qui provient de Babylone, qui revient, et notamment les Ptolémées en bénéficient. Mais il y avait besoin d'or frais. Alors, il y a certainement, via des cadeaux qui provenaient du Soudan ou d'autres endroits plus au sud. Mais effectivement, des campagnes ciblées pour aller chercher de l'or dans le désert devaient exister à cette époque-là. Béranger Redon, existe-t-il des textes sur les fastes de la cour durant cette époque lagide ou ptolémaïque? Oui, on a des textes, et en particulier des textes de l'époque de Ptolémée II, le grand pharaon du 3e siècle avant notre ère, qui décrivent en particulier une procession qui a lieu à Alexandrie dans le 2e quart du 3e siècle, la Pompée de Ptolémée II, et où l'on voit défiler des centaines d'animaux portant des métaux précieux, des objets précieux, façonnés ou non, et qui nous donne, oui, une idée de l'abondance de l'or dans la cour des Lagides. Sur le terrain de Bir Samut, existe-t-il de véritables mines avec des véritables puits? Il y a des mines avec des puits, mais ces puits sont principalement des puits qui ont été façonnés à l'époque moderne, sachant que les anciens, en tout cas à l'époque qui nous intéresse, à l'époque des Ptolémées, on pressent qu'il y a eu des travaux à peu près jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur et qu'ils n'allaient pas plus profond que ça. Donc on a des galeries dans les filons qui exploitent le filon à son maximum, mais dès qu'on descend en dessous de 20 mètres, il y a les problèmes de respiration, notamment de ventilation. Et donc, on n'a pas découvert de puits plus profonds qu'une vingtaine de mètres pour l'époque ptolémaïque. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une sorte de longue saignée sur le gisement qu'ils exploitent, c'est ça? Une sorte de longue gouttière? Alors exactement, ils prennent évidemment que le matériau qui leur est nécessaire. Dans le désert oriental, il y a ce qu'on appelle une roche encaissante qui est un petit peu plus friable que le quartz, qui est extrêmement dur. Et donc en fait, ils vont par ce qu'on appelle du dépilage, enlever ces zones où il y a du quartz en attaquant un petit peu par le côté, et c'est cette roche un petit peu plus friable pour pouvoir enlever le minerai. L'or alluvionnaire aurait été peut-être plus facile à extraire? Alors certainement, le problème de l'or alluvionnaire, c'est qu'il laisse peu de traces et que c'est notamment le cas un petit peu plus au nord, à un kilomètre au nord de Samout. On a tout un village de l'époque du Nouvel Empire qui s'installe clairement pour exploiter l'or alluvionnaire. Malheureusement, les traces sont assez ténues et c'est difficile de comprendre comment les choses se passaient exactement. Donc, de fait, tout est à l'air libre. Vous n'avez pas réellement de véritables galeries. On n'a pas de galeries. En tout cas, les galeries qu'on pourrait explorer sont bouchées. Donc, c'est un des travaux qu'on aimerait bien mener dans le futur. C'est dégager ces galeries pour éventuellement trouver des objets, notamment des pics, des pointerolles qui ont servi à creuser le minerai. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. On peut imaginer quel outil ? Des outils de bronze, par exemple ? On possède déjà le fer à cette époque ? Alors, on possède déjà le fer. On sait qu'ils utilisaient le fer, puisqu'on a retrouvé à proximité du filon une forge qui servait vraisemblablement à forger tous ces outils, puisqu'il faut comprendre que les outils s'émoussaient extrêmement vite, certainement en quelques heures, il fallait changer les outils. Donc, on imagine cette forge tourner quasiment à plein temps, 24 heures sur 24, pour alimenter en outils de fer ces mineurs. Une fois l'extraction faite, le minerai de quartz doit être probablement concassé. Alors il est concassé, donc on a retrouvé sur le site tous les outils qui permettent le concasser, à la fois des tables d'enclume, des percuteurs, et puis des zones sur lesquelles on travaillait des mineurs, sur lesquelles on retrouve des petits bouts de quartz qui ont clairement été concassés à l'époque. Il y a des répartitions d'ateliers différents selon les tâches, un peu partout dans le paysage donc de la mine. On le sait... Puisqu'on a ces zones de travaux, clairement, ces zones de concassage sont clairement identifiées, puisque généralement, on écartait les pierres, on a des zones qui sont encore extrêmement bien conservées. C'est le cas à Samout et c'est le cas dans d'autres endroits assez proches de Samout où on a exploité l'or. Et puis, on a ces zones où on travaillait, on faisait la poudre de minerais qu'on retrouve, ces enclumes qu'on retrouve plutôt à Bir Samout. Et on a quelques exemples, notamment à l'intérieur du bâtiment principal de Samout Nord. Bérangère Redon, les gisements de matériaux précieux ont, semble-t-il, toujours eu beaucoup d'importance pour le pouvoir pharaonique. Je pense, par exemple, aux mines de turquoise du Sinaï ou, bien sûr, à l'or du désert oriental. Oui, tout à fait. Depuis même l'époque prédynastique, les Égyptiens ont exploité les richesses du désert, que ce soit le désert oriental, que ce soit le Sinaï, qui sont tous deux très riches en métaux, cuivre, or, mais aussi en pierres précieuses et semi-précieuses. C'est quoi à peu près comme matériaux ? Qu'est-ce que l'on a en Égypte comme ressources minérales que l'on va pouvoir transformer ? Alors on a bien sûr l'or. Oui. On a essentiellement pour l'époque pharaonique le cuivre qui va être exploité intensément dans le désert oriental et puis les mines de turquoise du Sinaï, également dans le sud du désert oriental, des mines d'émeraude. Et ces mines d'émeraude ont été aussi fouillées ? Pour le moment, prospectées. Quels sont les résultats ? Les résultats, il y a du potentiel, un fortin associé, mais pour le moment, pas de fouille. Aucune fouille n'a été prévue pour ce site. Un beau sujet. Voilà. Vous avez aussi repéré un village de plus de 200 maisons daté du Nouvel Empire. Cela illustre-t-il l'importance du contexte industriel ? Alors, très vraisemblablement, ce qu'il est difficile à dire pour l'instant, puisque la céramique a été étudiée rapidement et qu'on n'a pas encore un échantillon extrêmement important, il est difficile de savoir si on a une exploitation sur la longue durée, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, ou si c'est une exploitation extrêmement importante à un moment donné. Ça, pour l'instant, il est difficile de le savoir. Donc, les prospections vont continuer autour de ce village pour essayer de répondre à ces questions. Vous n'avez pas trouvé, par exemple, de céramique dans les niveaux supérieurs qui serait bien datée, qui pourrait vous donner une fourchette de des ostracas, peut-être ? Non, pour le moment, rien. Très peu de tessons. On les a dessinés, analysés, mais ils sont assez peu caractéristiques. Et pour le moment, on ne peut pas avancer de date. Donc, c'est pourquoi cet hiver, on espère fouiller quelques cabanes pour récolter plus de matériel, et en particulier du matériel datant. Comment sont ces maisons ? Alors, c'est des maisons extrêmement simples. On appelle d'ailleurs généralement pas ça des maisons, plutôt des cabanes, puisqu'il s'agit de pierres sèches posées les unes sur les autres, d'une hauteur conservée à présent jusqu'à, on va dire, 1 mètre ou 1 mètre 20 de haut. Donc des cabanes extrêmement simples, avec un matériel extrêmement... Là aussi, commun trouvé dans ces maisons. Donc, ils ne nous permettent pas d'avoir de données précises sur les habitants et sur la manière dont le travail se passait. Les chercheurs d'or ont d'autres moyens que vous, notamment des pelles mécaniques. Ils ont fait bien sûr quelques gros dégâts dans ces maisons. Alors, ils ont fait des dégâts dans les maisons, notamment dans le bâtiment principal de Samout Nord, qui a été détruit quasiment au tiers l'année qui a suivi la première prospection qu'on a menée en 2013. Donc, ça a été des dommages considérables. Ces dommages-là ont été causés par la compagnie minière, avec qui, depuis, on a des rapports plus ou moins cordiaux. Enfin, en tout cas, c'est des gens avec qui on peut discuter. On craint beaucoup plus les chercheurs d'or, ces gens qui viennent de la vallée ou plutôt du sud, qui là, eux, avec des moyens importants, détruisent, on va dire presque le week-end sur leur loisir, détruisent les sites antiques pour éventuellement récupérer des objets anciens. Et ça, c'est vraiment problématique. Ces gisements antiques ne sont pas protégés ? Le problème, c'est que le ministère des Antiquités, malgré sa bonne volonté, n'a absolument pas les moyens de couvrir ces zones qui sont extrêmement larges. Il faut comprendre que c'est vraiment le désert, on n'y accède que par des pistes. Donc c'est des zones extrêmement larges à couvrir et les autorités n'ont pas les moyens actuellement de le protéger. Que sait-on sur vos mineurs, leur vie quotidienne, Bérangère Redon ? Alors, on peut le restituer, non pas par les documents écrits, mais là, par l'archéologie, puisqu'on a trouvé dans le bâtiment principal, le bâtiment 1 de Samout Nord, des dortoirs, où certainement ils étaient parqués et gardés sous bonne garde, puisque l'entrée de ces dortoirs était surveillée par la guérite d'un personnage. Et à l'intérieur de ces dortoirs, on a trouvé également des colis fichés, à la fois en quartz et en stéatite, une pierre locale assez tendre, dans lesquels on voit qu'ils avaient essayé de faire des perles, de façonner des petits objets à leur moment perdu. Parce que les pharaons ont aussi inventé le goulag. Les mines de sel de Silésie, ce sont bien sûr des forçats qui travaillent sous le contrôle du pouvoir. Voilà, alors la source majeure, c'est Agatharchide de Cnide, effectivement, au IIe siècle avant notre ère, alors un peu après nos sites, mais les conditions n'ont pas dû changer entre-temps, qui décrit les conditions affreuses dans lesquelles les mineurs étaient réduites, et donc à la fois hommes, enfants, femmes et vieillards, qui vivaient dans des conditions détestables, à moitié nous dit-il, vêtus de haillons, et pour lesquels la mort était le meilleur espoir. Le salut. Le salut, exactement. Est-ce que vous avez retrouvé les nécropoles de ces forçats ? Alors, on n'a malheureusement pas de nécropole. On a quelques tombes autour de la forteresse de Bir Samut, mais pas les tombes collectives qu'on aurait pu espérer trouver. Et notamment, il aurait été extrêmement intéressant d'étudier les ossements de ces squelettes pour voir les déformations liées aux travaux de la mine. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé ces tombes collectives. Qui étaient les recrues de ces mines d'or ? Prisonnier de guerre, nous dit Agatharchide, prisonnier de guerre et prisonnier de droit commun. Et puis, nous dit-il, toutes les familles également. C'est-à-dire qu'un prisonnier de droit commun pouvait être enfermé et puis le pouvoir décider d'emmener également toute sa famille dans ces mines. Alors peut-être deux mots sur un auteur très important, Agatharchide de Cnide, est une vraie source historique pour les égyptologues, mais aussi pour bien d'autres archéologues. Oui, tout à fait. Alors c'est un personnage de cour. Il a vécu à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ à la cour des Ptolémées, Ptolémée IX. Il a été percepteur du pharaon. C'est un grand érudit que l'on qualifie actuellement de géographe. Il a rédigé effectivement des écrits géographiques qui décrivent le désert et les côtes de la mer Rouge. On connaissait le village d'ouvriers de Deir el-Médine qui œuvrait au creusement des tombes de la vallée des rois. Grâce à vos fouilles, nous voici sur une autre vision de la vie quotidienne d'ouvriers. Oui, alors d'autres types d'ouvriers, ceux de Deir el-Médine étaient libres, on est ici sur des prisonniers, mais effectivement une réalité très concrète, très quotidienne de mineurs au fond du désert. Parce que rappelons que les ouvriers de Deir el-Médine s'étaient mis en grève quand même. Tout à fait. J'imagine que ceux de Samout... Ça aurait été compliqué pour les ouvriers de Samout de se mettre en grève, ou alors la mort était certainement assurée pour eux. Oui. Pour obtenir de l'or, une fois le matériau extrait, il faut le broyer. Alors ça, Agatharchide nous en parle en détail. On le broie et on le moue pour arriver à une poudre qui permet ensuite d'être lavée et qui permet d'en extraire les métaux lourds et notamment l'or. Vous avez retrouvé donc les meules, un peu tout ça ? Alors les meules, on en a des quantités absolument impressionnantes. J'ai pu en enregistrer 150 dans le fort de Bir Samut. Je me suis arrêté au bout de 150, on a certainement plus d'un millier, ce qui représente certainement le double, voire le triple de toutes les meules à minerais antiques trouvées ailleurs. Donc ça nous montre à quel point le travail était important dans ces zones-là. Et ça nous montre qu'il y avait une sorte de standardisation de ces outils qui était à la fois extrêmement simple, puisque c'est du granit qu'on prenait sur place, et aussi extrêmement efficace, puisqu'on a vu que les poudres qui étaient obtenues par les mineurs étaient extrêmement fines et qui n'étaient pas forcément faciles de reproduire cette finesse de poudre. Qu'en est-il du lavage ? Est-ce que vous avez par exemple trouvé des laveries ? Est-ce que vous aviez de l'eau ? Alors, on pensait avoir trouvé des laveries puisque il y avait deux rotondes donc qui étaient présentées comme étant des laveries puisque on en faisait le parallèle avec des structures trouvées notamment au Lorion. Et avec la fouille menée cet hiver, on a pu montrer que ce n'était pas des laveries mais en fait des moulins sur lesquels circulait une roue pour que le minerai soit concassé et broyé. Alors, on n'a pas de ces laveries, en tout cas pas pour l'époque ptolémaïque. On en a une pour l'époque plus tardive, l'époque arabe. On peut, alors c'est toute la question se pose encore et on n'a pas de réponse. On pourrait penser qu'en fait, une fois que le minerai était broyé, on l'emmenait dans la vallée du Nil pour qu'il soit la traité, puisqu'évidemment, pour laver, il faut de l'eau et que l'eau manque cruellement dans le désert. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute la technologie, là. On a toute la chaîne et c'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est de comparer le texte d'Agatharchide de Cnid, qui est extrêmement bien renseigné. Alors, est-ce qu'il est venu sur le site, est-ce qu'il a visité ces mines d'or, on n'en est pas sûr, mais au moins, elle nous donne toutes les étapes, ce qu'on appelle la chaîne opératoire de la production de l'or, et c'est cette chaîne opératoire, on la retrouve vraiment enfouie. Reste la fonte, est-ce que vous avez des traces de fonte ? Alors là encore, on a un four qui a été retrouvé et fouillé l'an dernier. Malheureusement, on n'a pas pu mettre en évidence de travail de l'or. Là aussi, Agatharchide nous donne une recette pour fondre l'or, mais il est tout à fait possible que cette fonte de l'or se soit passée dans la vallée du Nil. L'argent et le cuivre sont souvent associés à l'or. Les Égyptiens arrivent-ils à produire un or réellement pur ? Alors, on sait qu'à l'époque des Ptolémées, notamment c'est les recherches qui ont été menées sur le monnayage d'or des Ptolémées, montrent que l'or à cette époque-là pouvait être extrêmement pur, au-delà de 99% d'or. C'est beaucoup quand même, sans des méthodes très compliquées qui émergent au Moyen-Âge, comme par exemple la coupellation. Mais ce sont des méthodes qui étaient connues, et notamment il y a les fouilles de l'atelier de Sardes, donc en Asie mineure, de l'époque du fameux roi Crésus, et qui montrait que ce qu'on appelle la cémentation, donc cet affinage de l'or était bien maîtrisé déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ. Quelle est votre prochaine mission ? Quels sont les objectifs ? Alors, on vient de recevoir l'autorisation, le feu vert, pour partir en janvier prochain. Donc, la mission se concentrera sur Bir Samut, le fortin, puisqu'on a totalement fini la fouille de Samut Nord. Et donc, on voudrait finir cette saison, la fouille complète du fortin de Bir Samut. Bérangère Redon, Thomas Fauché, merci beaucoup. Nous apprenons avec tristesse la disparition de Paul Bernard, membre de l'Institut, ancien directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan. Fouilleur d'Air Hanoum, Paul Bernard nous avait raconté au mois de mars son extraordinaire découverte des textes de Platon. Partenaire du Salon Noir, le magazine Archéologia consacre son numéro de décembre aux peintures pompéiennes découvertes en Arles, à l'épave d'Anticythère et à la mise au jour d'une cité engloutie en argolide, à lire donc dans le dernier numéro d'Archéologia. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar avec la participation de Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à l'archéologie du merveilleux et à la découverte de la cabane de Podane.